manze, nou pa ka nou repete. Selman kon a rejwen li, sa na bezwen di li. E ou, la ou ki ka ni te zon. Ça vous préserve.